d'écriture lège, léger, parfum d'ambiance lège. Trouver ou non la note juste, peu d'importance. Je note juste ma vie, mon parallèle. Et t'écoute juste ma zik, laisse-moi kicker le beat, papy. Là j'en suis juste ravi, donc laisse agir magique. Panique pas, y'a pas de dick money. Pas mille et une manière d'avoir le flow highway. Faut taffer ça, poser des tripes, graines de café là. Autour du cou, ça fait juste nazi. Du coup j'ai rien du tout, hormis la magie du son. Ce que je dis, c'est pas le frisson, je le vis. J'ai mes raisons, l'ami, enclenche le rec, balance le dislow. Abstraction du sang, voilà le son pour les refs. Aucun coup de semence, j'ai rappé, j'suis vainqueur. C'est l'heure des cons, la gadji bouge, sang. Hip hop providence, mon gadji au cou, chance. Abstraction du sang, voilà le son pour les refs. Aucun coup de semence, j'aime la paix, j'suis vainqueur. C'est l'heure des cons, la gadji bouge, sang. Hip hop providence, mon gadji au cou, chance. C'est hip hop de l'est à l'ouest, j'rappe ça, histoire te mettre à l'aise. Que mes détracteurs se rétractent, j'tape ça dans tous les styles grands. Loin de prôner la violence, man. Le son, c'est ma providence, à l'évidence. J'suis hors tendance en attendant. J'prépare mes conséquences, ces conséquences, mon son. Pour en tirer le son, mais mon public averti écoute mes vers. Tirant une bonne nappe d'atmosphère. Augmente le son et recommence, voilà le sky accoutumance. Un beat, un pic et vlax, ça danse, meneuse, trémousse. Sapienne sur la frimousse, pas pour que ça qu'en avance sur un drap ou si aman. Viens faire la fête, je veux pas t'es où, c'est pousse-toi de la cité relou. Reste dans leur système, viens pas faire chier le fou manchou. J'aime les gens simples, ce qui complique mes versets, renverser leurs tendances. Moi c'est sky enchanté. Et Dislow à la prod, attraction du sang. Voilà le son pour les refs, aucun coup de semence. J'aime la paix, j'suis vainqueur. C'est l'heure des cons, la gadji bouge, sang. Du fort providence. Gadjo couchant, abstraction du sang. Voilà le son pour les refs. Aucun coup de semence. J'aime la pêche, j'suis pas un gueule. C'est l'heure des cons. La gadji bouge, sang. Hip hop providence. Pour gadjo couchant. Son de track en track, de pic en pic reçu. J'aime pas trop quand j'braque. Le mic s'enflamme, sont trop déçus. Ceux d'ici me connaissent pas. Tout comme ailleurs, j'suis le rappeur indécis qui ferme la gueule aux amateurs. Les deux mains dans les poches serein. J'suis une personne, gamin, pas de merco. Mais le sac à dos, même pas artiste. J'fais 2-3 trucs en home studio. Aucune groupe d'Hollywood, mais j'ai ma femme et rien de plus cool. De la petite vie, mais ça va, je mange là. M'éclate au mic, ma haine, je la range là. Viens faire un tour dans l'abstrait, on gagnera pas. Sur un coup de bol, un Fredo sera fait exprès de le credo. C'est pas fait du son, elles sont refaites. C'est refait le son, on sait jamais, jamais on le dit, mais ça on le fait, on taffe ça fort et l'effort naît. Donc gadji, danse, danse, danse. Pendant que gadjo pense, pense, pense. Abstraction du sang, voilà le son pour les refs. Aucun coup de semence, j'ai la pêche, j'suis pas un cœur. C'est l'heure des cons, la gadji bouge, sang. Hip hop providence, pour gadjo couchant. Abstraction du sang, voilà le son pour les refs. Aucun coup de semence, j'ai la pêche, j'suis pas un cœur. C'est l'heure des cons, la gadji bouge, sang. Hip hop providence, pour gadjo couchant. Abstraction du sang, voilà le son pour les refs. Aucun coup de semence, j'ai la pêche, j'suis pas un cœur. C'est l'heure des cons, la gadji bouge, sang. Hip hop providence, gadjo couchant. Abstraction du sang, voilà le son pour les refs. Aucun coup de semence, j'aime la pêche, j'suis pas un gueule. C'est l'heure des cons, la gadji bouge, sang. Hip hop providence, gadjo couchant.